trop fatigué, tu fermes les yeux, tu joues le grand jeu de ceux qui ne veulent plus jouer. Rivé à ton silence, comme un bateau s'accroche au port, tu es cet enfant, fuyant le monde des grands, qui ne dit rien, qui s'endort. Écoute-moi, suis le soleil, prends ces bateaux qui mènent quelque part, d'où l'on découvre l'espoir, prends ces chemins où je te guiderai, où je tiendrai ta main. Tu dois oublier, essaye de lutter. Tu dois pardonner, essaye d'oublier. Tu dois oublier, essaye de lutter. Tu dois pardonner, essaye d'oublier. Tu laisses mourir le feu, tu laisses venir la nuit, tu fais de ton mieux pour faire le vide dans ta vie. Perdu dans ton silence, comme un bateau qui cherche un port, tu es cet enfant, fuyant le monde des grands, qui n'en peut plus et qui s'endort. Quelque part, d'où l'on découvre l'espoir. Prends ces chemins où je te guiderai, où je tiendrai ta main.